Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Deux personnes dont le chef culinaire de Mugara en province Rumonge devront verser une amende comprise entre 200 et 500 000 francs burundais pour vol dans les élections des notables culinaires. Ainsi en a décidé le tribunal de grande instance de Rumonge siégeant en matière de flagrance le soir de ce mardi. Et le bureau burundais de normalisation de la qualité BBN a fermé ce mercredi et hier trois stations-service à Gitega pour tricherie dans la distribution des quantités achetées. Et dans la chronique sur les messages de haine, un expert en leadership nous expliquera comment vient la tendance à chercher de boucs émissaires pour pouvoir justifier ses souffrances lorsque des gens sont confrontés à des défis vitaux pour lesquels ils n'ont pas de réponse. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Le paiement d'une amende comprise entre 200 et 500 000 francs burundais, telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Rumonge, siégeant en matière de flagrance le soir de ce mardi, contre deux personnes, dont le chef culinaire de Mugara. Ils se sont rendus coupables de vol lors des élections des médiateurs communautaires ce lundi sur cette colline. La troisième personne arrêtée dans cette affaire a été acquittée. Les deux condamnés ayant plaidé coupable vont écoper d'un emprisonnement d'une année s'ils n'arrivent pas à payer cette amende. Et le bureau burundais de normalisation de la qualité BBN a fermé ce mercredi matin la station-service Zubel Oil située à Musinzira en ville de Gitega. Deux autres stations-service du centre-ville de Gitega avaient été fermées le soir de ce mardi. Lors d'une descente effectuée, Jean Bosco Busokoro, directeur du laboratoire de génie civil au sein de cette institution, révèle que les pompes à carburant de ces stations ne donnent pas toute la quantité demandée. Quant aux balances commerciales déréglées, elles sont retirées du marché. Suivez ces explications. Alors, dans cette mission, nous avons aussi vérifié les balances utilisées dans le commerce. Et c'est-à-dire que finalement, pour les balances, les petites balances, les frais de vérification, c'est gratuit. Mais une balance en panne, on la lève du marché, on va la déclasser. Pour cette année, toutes les vérifications sont gratuites et les balances en panne sont déclassées. Alors, pour les stations à carburant, nous essayons de voir ce que dit la norme. Et cette norme dit que pour le carburant, il faut tolérer jusqu'à 2,5 litres. Par 1000 litres. Donc, c'est-à-dire qu'on retire 0,25% et la station qui est en dehors de cette norme, de cette tolérance, on la corrige après l'avoir même infligé une amende. Cette amende-là varie de, par exemple, celui qui triche sur 50 litres jusqu'à 100. On lui fait, par exemple, 500 000 francs d'amende. On peut lui infliger 2 millions à 2 millions de francs burundais et on va l'obliger de verser cette amende au compte du BBN ouvert à la BRB. Au trésor public. Comme je vous l'ai dit, il y avait des plaintes des uns et des autres. Monsieur le directeur général du BBN nous a envoyé effectivement pour voir si cette plainte était fondée ou pas. Et nous avons trouvé que des stations, au moins deux, se trouvaient même à Zéré, presque au même endroit. L'un s'appelle Mutama Oil, l'autre c'est Gitega Capital Oil. On a trouvé que ces stations distribuent vraiment des carburants en quantité insuffisante et auraient à affliger de l'amende. Je pense qu'au plus tard demain, ils vont baisser ça et ils vont nous prêter le versement pour que les techniciens reviennent pour régler et nous allons apposer notre étiquette pour montrer que finalement la station a été vérifiée et a été corrigée. Pour les balances, nous avons à peu près vérifié autour de 400 balances. Sur les 400, on avait trouvé 6 balances seulement qui étaient déréglées et qu'on a arrivé du marché. C'était Jean Bosco Busokoro, directeur du laboratoire de génie civil au sein du bureau burundais de normalisation de la qualité, BBN. Vous saurez que cette vérification de la conformité des stations-service se poursuit jusque vendredi. Deux hommes originaires des collines différentes de la commune Ruhororo en province Ngozi ont été tués par leurs femmes ce mardi. La mésentente sur la gestion de leur foyer serait à l'origine de ces meurtres. Les autorités administratives et policières demandent aux conjoints en conflit de consulter les autorités pour la médiation au lieu de se faire justice. Apollinaire Muzagara. L'un de ces hommes tués, Dieudonné Niyonizeye, habitait le site déplacé de Ruhoro. Les informations émanant de cette localité, confirmées par l'administration et la police, indiquent que la victime ne faisait pas bon ménage avec sa femme. Il divergeait sur la façon de gérer les biens familiaux. Après lui avoir offert de la bière, la femme a appelé son mari, puis l'a poignardé selon les mêmes sources. Dieudonné Niyonizeye est mort sur l'oche. L'autre homme s'appelle André Kanyoni, de la colline Gitanga, dans la même commune. Lui aussi ne s'entendait pas avec sa femme, Marie Nizigimane. À l'origine de cet malentendu, un enfant né d'une grossesse qui ne serait pas de son mari, selon des voisins. André Kanyoni, de retour d'un des pays voisins après beaucoup de temps, aurait trouvé sa femme enceinte. La femme, aidée par ses deux filles, ont décidé d'éliminer physiquement cet homme, selon des sources policières et administratives. Toutes ces femmes et filles auteurs de ces forfaits sont déjà dans les mains de la police judiciaire pour la poursuite du dossier. L'administrateur de la commune de Ruhoro, Mamère Tebirukundi, conseille à de tels conjoints le recours à la médiation au lieu de se faire justice. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Isanganiro. En actualité internationale, en attendant d'autres nouvelles nationales, au Sénégal, l'installation d'un nouveau député lundi 13 septembre 2022 a tourné à la foire d'empoigne. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, issu de la majorité présidentielle, a été élu en présence de gendarmes dans l'hémicycle lors d'un vote boycotté par l'opposition. Cohue, bagarre, échange d'insanité, etc. Des scènes qui augurent des lendemains extrêmement difficiles, selon Papa Farah Diallo, chercheur, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et le monde va dans la mauvaise direction en matière de climat, avertit l'Organisation météorologique mondiale, une mise en garde sévère, alors que dans son dernier rapport, l'Organisation mondiale souligne que les catastrophes météorologiques ont été multipliées par 5 au cours des 50 dernières années et que les conséquences sont sur le point de s'aggraver, la faute aux combustibles fossiles, selon le secrétaire général de l'ONU, alors que la sécheresse menace de milliers de personnes, notamment en Afrique. Les perspectives inquiètent. Il y a 93% de chances qu'une année sur les 5 prochaines connaisse une chaleur record, avertit l'Organisation météorologique mondiale. On passe maintenant à la chronique sur les messages de haine. Parle, rassure-moi. Lorsque des gens sont confrontés à des défis pour lesquels ils n'ont pas de réponse, ils ont tendance à chercher des boucs émissaires pour pouvoir justifier leur souffrance. L'expert en leadership et enseignant d'université HR Nionizigiye explique que dans de telles situations, les groupes cherchent à s'accuser mutuellement et les discours ethnicisants peuvent entrer dedans. Sinon, la vie dans de bonnes conditions amène les gens à rêver mieux, étant donné que l'attention est portée vers l'avenir. Francine Deokugayo. Les conditions de vie précaires peuvent conduire à des discours ethnisants, surtout dans un pays ayant connu des divisions ethniques. L'expert en leadership, HR Nionizigiye, fait savoir que les gens cherchent la réponse dans l'histoire vécue et ciblent un groupe différent du leur à blâmer. Ce genre de situation pose des questions existentielles et les gens ont besoin de trouver des réponses. Vraies ou fausses, il faut quand même des réponses pour pouvoir dire « voilà pourquoi je suis dans ces conditions-ci ». Et pour un pays qui a connu une histoire de division ethnique, l'une des réponses très faciles, c'est de faire recours à ce qui s'est passé dans l'histoire, de dire « ok, de toutes les façons, c'est à cause des injustices que mon groupe a subi il y a tel nombre d'années que je me retrouve dans cette situation ». Les leaders peuvent également profiter de la situation, surtout pour empêcher aux membres du groupe à se focaliser sur les causes réelles de leur souffrance. Lorsque les leaders veulent détourner l'attention sur les vrais problèmes du moment, afin de conduire les gens à chercher ailleurs. Parce que, vous savez, lorsque les gens sont dans des conditions difficiles, cela n'est jamais le résultat du passé à 100%. Le passé contribue, mais il y a aussi des choses du moment qui peuvent aussi justifier cette situation. Or, pour un leader, quand les gens se focalisent sur les causes du moment, il y a cette décrédibilisation pour le leader. Donc, il y a aussi donc cette tentation à vouloir renvoyer les gens dans le passé pour échapper à cette analyse critique des raisons de cette situation dans le présent. Sinon, pour cet expert en leadership, lorsque les gens sont en train de vivre dans de bonnes conditions, les rêves pour un avenir meilleur leur sont permises. Le fait que vous êtes dans des conditions qui vous permettent de rêver mieux et qui vous présentent même des opportunités de devenir meilleur, fait que mentalement, vous n'êtes pas prédisposé à vous regarder en chien de faïence, comme on dit. Parce que votre attention est portée vers l'avenir. Vous avez des projets, il faut les réaliser. Et vous voyez ce que vous pouvez faire pour les réaliser. Vous avez des jeunes familles, vous avez des enfants, il faut les éduquer. Et vous êtes concentré sur ça. Et cela vous donne la force mentale qui vous permet de résister beaucoup plus facilement aux discours ethnisants. Deuxièmement, si les opportunités sont partagées, si les conditions de vie sont partagées entre les différents groupes ethniques, il y a cette tendance de voir l'autre comme un ami, comme un partenaire, comme un collègue, et non pas quelqu'un contre qui vous êtes dressé. Possible, mais difficile aussi de lutter contre ces discours ethnisants aussi longtemps que la précarité persiste, Acherneon Ezeguié explique. Lorsque les gens ont perdu le sens de l'autocritique, de l'analyse objective de la situation, ça devient très très difficile, parce que ça vient automatiquement. Mais c'est possible. Et c'est possible comment? C'est possible, d'abord pour les gens qui sont dans cette situation, il faut qu'ils concentrent beaucoup plus d'efforts sur l'imagination d'une meilleure vie et sur la recherche des voies et moyens qui peuvent les conduire à cette meilleure vie. Et il faut qu'ils le fassent ensemble, c'est-à-dire tous les groupes ethniques confondus, surtout les jeunes générations. Et deuxièmement, pour les leaders, lorsque les gens sont confrontés à des difficultés, c'est l'opportunité pour les leaders de les inciter à rêver, de penser à un avenir qui est différent des conditions présentes. Ces leaders sont appelés à créer des conditions favorables à l'éradication des problèmes vécus pour éviter de céder la place à des discours ethnisants. Francine Ndiokougaillon, venons-en maintenant à d'autres nouvelles nationales. Certains enseignants qui prestaient dans des établissements scolaires suspendus provisoirement ou ayant vu leur section fermée se plaignent d'avoir été mutés très loin sans explication valable, surtout qu'ils ont été vite remplacés par d'autres à ces mêmes écoles. Le directeur communal de l'enseignement à Rubongué répond qu'ils ont été envoyés dans des écoles qui en avaient le plus besoin. d'eux. Jean-Pierre Misago pour les détails. Certains parmi les enseignants rencontrés ce mercredi matin après l'affichage au bureau de la direction communale de l'éducation de Rumongué de leur nouvelle affectation après la suspension provisoire de la totalité ou d'une partie des sections ou classes de leurs anciennes écoles étaient dépassés par les événements. Il s'agit de ceux qui se sont retrouvés affectés loin de leurs anciennes écoles où ils prestaient. Ceux qui se sont exprimés hors micro disent ne pas comprendre comment ils peuvent être redéployés à une quarantaine de kilomètres loin de leurs réseaux scolaires de départ alors qu'il y a de nouveaux venus dans leurs réseaux et pour un même cours. Ils voudraient que leur cas soit réanalysé dans l'intérêt du métier. Par rapport à leurs préoccupations, Rémi Ndeikengourou, qui est directeur communal de l'éducation de Rumongué, répond qu'il s'agit d'une opération faite dans l'optique d'une gestion rationnelle des enseignants et l'enseignant est affecté là où le besoin se fait sentir. Et Gideon Saba, représentant provincial de la coalition Kosesona des syndicats des enseignants à Rumongué, quant à lui, dit que même les élèves affectés dans d'autres écoles sont en difficulté. Il annonce que l'analyse de toutes ces questions est celle de la gestion de ces écoles en cas de réouverture et projetée dans les prochains jours. Après cette suspension provisoire de la totalité ou d'une partie des écoles, 319 enseignants prestant sur une centaine d'écoles sont concernés dans toute la province scolaire de Rumongué, selon le représentant provincial de la Kosesona à Rumongué. Jean-Pierre Misago depuis Rumongué, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Certains conducteurs de véhicules faisant le transport rémunéré des personnes dans la mairie de Bujumbura affirment que le carburant de type mazout est désormais disponible par rapport auparavant, mais que l'essence reste un problème. Ceux qui se sont entretenus avec notre rédaction ce mercredi demandent aux responsables de le résoudre. Il y a deux semaines, la régie des eaux avait annoncé l'entrée de grandes quantités d'essence sur le marché. Suivez ce micro-trottoir de la rédaction. On ne peut que remercier Dieu pour la situation actuelle, car c'est mieux qu'avant. Seule l'essence n'est pas facilement disponible, car même quelques voitures sont encore sur les stations, n'ayant pas encore pu être approvisionnées. Sinon, pour le mazout, c'est mieux. Ce que nous demandons est que les autorités devraient veiller à ce que le carburant reste disponible. Hier, nous étions sur les stations. Il y avait une petite file d'attente. La régie des eaux devrait distribuer l'essence sur toutes les stations, surtout les stations de Mukadza, car c'est l'endroit où beaucoup de voitures s'y approvisionnent. Il devrait indiquer aussi les litres d'essence donnés pour ne pas attendre pour rien. Des fois, on va sur les lignes d'attente et l'essence se termine sans que nous ayons servi. Ce que nous voyons à propos du carburant, c'est que le problème du carburant du type mazout est déjà résolu. Car partout où tu vas, tu peux trouver du carburant du type mazout. Mais nous avons un problème de trouver l'essence. Lorsque vous arrivez à la station, il y a la queue de voitures, alors que l'essence aussi pouvait être disponible. Nous demandons que l'essence aussi puisse être disponible. Ce sera bien pour nous en tant que citoyens. Ça peut nous aider dans notre travail de tous les jours et nous demandons au gouvernement de nous aider, essayer de fournir l'essence à chaque station. Et pour boucler ce journal, en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique est mis en cause dans une affaire de nomination de faux agents à des postes à responsabilité. Jean-Pierre Liaou est accusé par certains de ses collaborateurs d'avoir promu des agents non qualifiés et surtout inconnus dans l'administration publique. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Alphonse Kogimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Douimana, passez un très bon après-midi.